Belle journée à l'écoute de La Première. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. البته جنگ در مناطق افغانستان در هر نقطه فرق میکند چی در مناطق کوهستانی در شهرها و در اراضی هموار cette semaine l'Afghanistan d'une monarchie constitutionnelle à un chaos institué l'interminable état de guerre. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire. Cette semaine, nous ouvrons un nouveau dossier, ô combien d'actualité, puisqu'il s'agit de l'Afghanistan. Un documentaire étonnant à plus d'un titre, fait non pas par un pro du reportage ou du documentaire, mais par un lambda, un clampin comme vous et moi, qui un beau jour plaque tout et poursuivant, nous dit-il, un vieux rêve d'aller bourlinguer sur les traces de Joseph Kessel, s'en va à l'autre bout du monde, et pas n'importe quel bout du monde, puisqu'il s'agit de l'Afghanistan. Il y arrive peu après le mois de septembre 2001, au moment où le régime des talibans est en pleine débâcle, et se retrouve très vite dans un des hauts lieux de résistance, où une poignée d'entre eux, les talibans, résistent aux assauts des combattants de l'Alliance du Nord. Et pendant une petite heure, nous sommes plongés dans ces vagues d'assauts, à regarder ces hommes tirer sur des cibles que l'on distingue à peine, vivant au bord de la mort avec une nonchalance et une indifférence qui laissent perplexes. Comme dit l'un d'entre eux à qui l'on demande « Où avez-vous appris à tirer ?» Celui-ci répond « J'ai su, en sortant du ventre de ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à une question pareille ?» Nous sommes devant des combattants qui tentent de déloger d'autres combattants et ce n'est rien d'autre qu'une poignée d'hommes face à une autre poignée d'hommes. Loin, les formules et les catégories repères, loin, le classement en fonction de la tendance politique ou idéologique. Quand un combattant de l'Alliance du Nord pose le canon de son arme sur un cadavre de taliban pour mieux ajuster son tir, il le recouvre auparavant. Là-bas, on semble moins penser ennemi qu'adversaire. Et les jugements moraux, si commodes, ne servent ici à rien, sinon, sans doute, à faire se marrer ces hommes en armes. Nous aurons l'occasion cette semaine de reparler de ce sujet avec Daniel Lecomte et Damien De Gueldre. Mais auparavant, remontons le temps et partons à la rencontre de l'histoire de l'Afghanistan. Une histoire, aujourd'hui, terriblement vivante. Chapitre 1. Passe-moi la map monde. L'Afghanistan, un carrefour de 750 000 km² au cœur des nations asiatiques. Après avoir été la route de tous les conquérants de Darius à Gengis Khan et le passage séculaire des caravanes de la route de la soie, l'Afghanistan a vécu replié sur lui-même jusqu'à l'indépendance. Il est resté le pays des nomades qui élèvent ses moutons de race caracul dont les agneaux fournissent le Breitschwanz et l'Astrakhan. Un pays de cultivateurs aussi. Les fermes ont gardé d'un passé d'invasion des allures de forteresse. De son balcon, comme d'un poste de guet, le maître peut surveiller tout son domaine où l'une des innombrables petites rivières descendues de la montagne alimente tout un réseau d'irrigation. Les raisins des Rat et ceux de Kandahar ont une réputation mondiale. Bâti au pied même du massif de l'Hindou Kush, Istalif est la ville des potiers. Utilisant pour l'émail de leur poterie le lapis-lazuli, cette pierre d'un bleu magnifique qui est la richesse du Badakhshan, ces artisans réputés sont restés fidèles depuis des siècles aux vieux fours verticaux. Les motifs décoratifs sont multiples. Tant d'influences se sont mêlées en Afghanistan. Et à côté des artisans, qui continuent de confectionner les paisars, ces souliers des mille et une nuits, deux lycées français participent d'ores et déjà, avec les nouveaux établissements scolaires et les facultés, à la formation des futurs cadres de l'Afghanistan moderne. La tâche est importante, mais ne saurait effrayer les Afghans. Au demeurant, si l'on en croit le folklore, ceux-ci ont un secret séculaire qu'ils dévoilent le jour de l'anniversaire de l'indépendance en exécutant la danse nationale. Cette danse, par les mouvements répétés de la tête, a le pouvoir, dit-on, de rendre insensible à la douleur et de conférer une endurance à toute épreuve. Il en est de ces contrées que la géologie terrestre a placées dans certains couloirs, dans certains axes, et qui ne pourront plus jamais être considérées autrement que comme des plaques tournantes. L'Afghanistan est de cela. C'est la plaque de l'Asie centrale, tout au moins l'une d'entre elles, et non la moindre. Triste privilège que celui d'être convoité. L'Afghanistan l'a toujours été, car le pays est la voie de passage idéale sur la route de la soie. Localisation. Asie du Sud, Nord et Ouest du Pakistan, Est de l'Iran. Coordonnées. 33e latitude Nord, 65e longitude Est. Référence cartographique. Asie. Surface terrestre. 647 500 km². Surface maritime. 0 km². Pays limitrophes. Chine, 76 km. Iran, 936 km. Pakistan, 2430 km. Tadjikistan, 1206 km. Turkménistan, 744 km. Ouzbékistan, 137 km. Côte maritime. Sans accès à la mer. Mais voilà une chose pour le moins étonnante. Aussi précises et méthodiques soient aujourd'hui les connaissances topologiques, géographiques, on ignore encore l'origine du mot afghan. Et l'emploi de celui-ci, comme l'indique Pierre Sanslivre, est des plus ambigus. Afghan recouvre tout, mais ce tout est tout, sauf une entité. C'est une somme de fractures, de divisions. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien une terre pleine de contrastes. Au nord, la richesse des plaines et des collines fertiles, où blé, maïs, riz, coton, fruits et légumes s'épanouissent baignés par le soleil et les eaux de l'Amou Daria. Mais aussi la richesse des sous-sols et des pierres précieuses, émeraudes, lapis-lazuli. Au sud, c'est en revanche le plateau aride et désert, creusé parfois par de puissantes rivières. À l'extrême sud-ouest, aux frontières de l'Iran, le paysage se transforme en une sorte de gigantesque marécage. Paysage incroyable qui, de la fournaise de l'été, passe aux hivers les plus rigoureux et qui, dans sa modeste étendue, 970 km du nord au sud, 1300 d'est en ouest, connaît les climats aussi éloignés que ceux de l'Arctique et de la mousson indienne. Chantée en persan, cette complainte exprime la tristesse de la séparation, fait coutumier des caravaniers toujours en voyage. Ce chant est originaire de la région de Herat, près de l'Iran. Abdul Kader, chant de caravane. چیتر مرگی دمادم دارم ای دوست اواکی شرشر میکنه ای جان میشاکی بربر میکنه ای یار دل یادی دل بر میکند بگذار به نالم سبزمه تا کی به نالم سبزمه مرا آزرده چشمانی تو دارد پریشان حالم هلا کم تیر مشگان تو دارد پریشان حالم بکش خنجر تو بکشا پرده ای دل پریشان حالم کی عاشق میل دیدار تو دارد پریشان حالم آخ آخ آخ آخ بیا بیا بدولا آخ آخ آخ آخ, آخ بیا بیا بدولا و ما کن بلبل فغان کار من استین و محبوب ای مبین بر گل رو خیار من استین جان بر قم ریز مالای سنابر شبی قد دلدار من استین آواکی شرشر میکنه جان میشاکی بربر میکنه یار دل یادی دل بر میکند بگذار بن عالم سبزمه تا کی بن عالم سبزمه شنیدم این سخن از غنچه گل پریشان حالم در آن ساعت که می نالید و بلبل پریشان حالم که عمر گل دو روزی بیشتر نیست پریشان حالم تحمل کن تحمل کن تحمل پریشان حالم آخ آخ آخ آخ بیا بیا بدول آخ آخ آخ آخ آخ بیا بیا بدول آخ Chapitre 2 Après l'emplacement, les strates. Ce sont les Perses et les Grecs qui fondent cette terre dans les temps immémoriaux. Entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère, après ce grand guerrier perse, Cyrus II, un second grand guerrier, sans doute l'un des plus grands stratèges de tous les temps, envahit l'Asie mineure. C'est un Macédonien prénommé Alexandre. Assoiffé de conquêtes ou à la recherche de l'unité absolue, sa route, qui le mène de la Grèce à l'Inde, passera par la Perse et naturellement par Kandahar et Kaboul. Aucun empire, fut-il rapidement et habilement bâti, solidement structuré, politiquement établi, n'a jamais tenu le long cours. Il en est ainsi, après les mondes perses et grecs, ce sont à présent des tribus venues du Nord, de la Russie ou encore de la Chine qui envahissent le lieu. Au IIe siècle après Jésus-Christ, on ose parler de point de rencontre. Une architecture de civilisation qui relierait les trois superpuissances, Rome, l'Inde et la Chine. Un conglomérat étonnant de religions d'où surgit un bouddhisme teinté par l'hellénisme de la Grande Grèce. Des statues fort célèbres naîtront de cette alliance, les Bouddhas géants de Bamiyan, aujourd'hui détruits, un jour peut-être reconstruits. La plus haute statue de Bouddha qui existe au monde est ici, à Bamiyan. Les Arabes s'attaquèrent à coups de canon à cette statue de 53 mètres, emblème d'une puissance qu'ils ont toujours considérée comme leur plus grande rivale. L'emblème mutilé reste, mais les 5000 moines ont disparu et leurs cellules taillées dans le roc ne sont plus que l'abri des oiseaux ou de misérables tribus troglodytes. Les Arabes, quant à eux, viennent plus tard fouler la région que l'on appelle désormais Khorasan, pays de l'Est. Leur volonté est simplement intégrer Khorasan dans le projet d'un vaste empire qu'ils ambitionnent à leur tour de construire, comme jadis Rome, comme jadis Alexandre. Les hommes de Mahomet se sont installés durablement. 4 siècles après l'invasion première, la région devient le centre de la civilisation islamique. Mais c'est bien illusion d'imaginer que cette stabilité pourrait perdurer. À l'aube du XIIIe siècle, le chaos entraîné dans le sillon de Gengis Khan et de ses hordes barbares dévaste le pays et toute l'édification qu'on avait tentée. Puis, celui qui se dit descendant de Gengis Khan, tout au moins son descendant spirituel et guerrier, le Turc Tamerlan, à la tête de ses armées venues de la lointaine Géorgie, de l'Arménie, ses soldats d'Asie centrale, des Indes, de Sibérie, Tamerlan forge à son tour le socle de son empire au prix de massacres immenses, de viols et de pillages. Au début du XVIe siècle, alors que l'ouest du pays est sous domination perse, la partie orientale tombe sous le contrôle du prince Babur, qui fonde depuis Kaboul l'empire moghol en Inde. On espérera enfin oser en la pérennité d'un système, puisque celui fondé par le prince Babur durera jusqu'à la conquête anglaise. Chapitre 3. Couche après couche. Au XVIIIe siècle, ce sont les Pashtuns qui fondent le premier royaume afghan indépendant. L'effondrement simultané de l'empire moghol à l'est et de l'empire perse à l'ouest permet à ces tribus montagnardes de prendre le pouvoir. Jusqu'alors mercenaires pour le pouvoir turco-moghol dans les armées qui conquièrent l'Inde à partir du XIe siècle, où ils sont parfois sultans, ils envahissent l'ouest du pays et leur chef, Ahmad Khan, fonde le royaume d'Afghanistan. En 1747, date de cette fondation, ce royaume est 2 fois plus vaste que le pays actuel. Mais voilà, rien ne ressemble plus à une civilisation qu'une autre civilisation quand il s'agit de territoires à coloniser. Au XIXe siècle, ce sont de nouvelles grandes puissances qui se retrouvent face à face dans un affrontement dont l'enjeu s'appelle le royaume d'Afghanistan. L'Angleterre d'un côté, l'Angleterre de sa très gracieuse majesté opposée à la grande, à l'immense Russie des tsars. L'Empire britannique a déjà fait sien l'Inde, la Russie mise sur la main sur l'Asie centrale. Il ne reste plus qu'un petit pays, une ridicule petite chure de mouche qui résiste à la colonisation, et celle-ci s'appelle Afghanistan. Craignant une offensive russe en Inde, les Britanniques occupent le pays à 2 reprises. Mais face à eux, forts de cette histoire guerrière et de la connaissance de leur invraisemblable terrain, la première guerre anglo-afghane s'achève par la victoire de ces derniers. Le soldat anglais n'aura pas tenu dans les âpres combats engagés dans l'aveuglante et asphyxiante poussière afghane. 16 000 d'entre eux mourront au cours de la seule dernière bataille. L'anglais tentera bien un second round quelques 30 ans plus tard. On aboutira à une zone tampon, à un couloir entre l'Empire britannique et la Russie tsariste. Celui-ci portera désormais le nom de « Corridor Wakhan ». Mais les années d'indépendance qu'entame l'Afghanistan à partir de 1919, fussent-elles reconnues par l'Angleterre, sont tout autant qu'avant années de troubles. Ce qu'on retrouve à présent face à face, ce ne sont plus des peuples contre d'autres peuples, des ethnies contre d'autres ethnies, non. Il y a d'un côté un chef, Aman Allah Khan, qui souhaite instaurer pour son pays une politique ambitieuse de modernisation. Et en face, une population hostile au changement, aux réformes. Tiré du film « L'homme qui voulut être roi », d'après un roman de Kipling, Sean Connery et Michael Caine incarnent 2 soldats britanniques déserteurs et aventuriers à la recherche du trésor perdu d'Alexandre le Grand dans un pays imaginaire, mystérieux et hostile à la fin du 19e siècle, le Kafiristan, qui pourrait bien être l'Afghanistan. Sean Connery et Michael Caine, Driver's Farewell. son of God, those foes to war a kingly crown to gain. His blood-red banner streams afar, who follows in his train. A glorious band, the chosen few, on whom the Spirit came. 12 valiant saints, their hope they knew, and mocked the cross in flame. Now Danny fell, ran like a penny whirligig, 20,000 miles, for it took him half an hour to fall. Chapitre 4. En avant pour le désordre. Deux coups d'État vont se succéder. Le premier par un chef tadjik, le second par un chef pachtoun. Tout cela dans un temps très bref. Nous arrivons en 1933. Et, paradoxe incroyable, alors qu'une partie de l'Europe s'enfonce dans le chaos et l'horreur, le lointain Afghanistan, après tant d'années de déchirure, s'installe pour 40 années de stabilité. 40 années de stabilité politique au XXe siècle, stabilité commencée avant la Seconde Guerre mondiale, c'est presque un phénomène unique. Mais il faut dire que l'orientation vers la neutralité n'est pas l'apanage de quelques terres européennes. Non, l'Afghanistan, durant cette période, reste neutre et après-guerre comptera dans les pays non alignés. En 1964, le régime s'oriente timidement vers la création d'une monarchie constitutionnelle, mais une tragédie tristement appelée naturelle s'abat sur la population peu après. Nous arrivons en 1973, je vous laisse écouter la suite, racontée par Christian Sulzer. Je crois qu'il faut peut-être souligner un premier point, c'est que le Sardar Mohamed Daoud, qui a pris le pouvoir, a bien tenu à dire à la radio que, au fond, pour ce qui touche aux affaires du dehors, rien n'était changé. Rien de changé à la neutralité, rien de changé non plus à la politique de non-alignement, pas de rupture non plus avec la politique qui consistait à refuser toute forme d'alliance, toute forme d'allégeance à l'égard de quelque bloc que ce soit. Donc, pour l'extérieur, si vous voulez, aucune modification. En revanche, au-dedans, tout est changé, et radicalement, puisque, en fait, on remplace une monarchie constitutionnelle par une république, et on peut déjà comprendre, aux insinuations qui ont été celles des putschistes, que cette monarchie constitutionnelle avait mal mis en vigueur les réformes qu'elle avait promis de faire. Donc on peut s'attendre incontestablement à l'avènement d'une espèce de régime qu'on pourrait peut-être appeler nassérien, car, il semble-t-il, l'armée est de connivence avec l'ancien Premier ministre, aujourd'hui remis en selle. Mais il y a tout de même d'autres points qu'il faut peut-être relever, c'est que si les troupes ont tenu à occuper les points stratégiques de la capitale, le roi Zahir a tout de même eu derrière lui un assez long règne. Il y a 40 ans environ qu'il est au pouvoir. Il a eu donc le temps de mettre en place dans le pays des partisans. Et puis, il faut dire aussi que le roi Zahir se méfie à tel point de son cousin Germain Daoud que les mauvaises langues de Kaboul racontaient par exemple qu'il le faisait suivre jusqu'au seuil des urinoirs afin d'être sûr qu'il ne complote pas contre lui. Le nouvel homme fort du pays s'appelle désormais Daoud Khan. C'est donc le cousin des toilettes. Et il instaure une république avant l'ambition d'entreprendre en Afghanistan une vaste politique de réforme. Portrait du prince Daoud par Christian Sulzer. Alors Daoud, c'était non seulement son cousin germain, son beau-frère, ce que les Romains appelleraient un membre de la gens, la famille, la tribu familiale, mais aussi un homme d'autorité, de vive intelligence, un homme qui, surtout, je crois, au plan politique, a beaucoup milité pour le rattachement au royaume afghan d'un morceau de Pachtounistan qui se trouve actuellement en territoire pakistanais. C'est un héritage du passé colonial britannique. Les Anglais tracèrent en 1893 exactement cette fameuse ligne Durand qui sépare aujourd'hui l'Afghanistan du Pakistan actuel, et cette frontière, très arbitrairement, a coupé en deux le pays des Pachtous. Il reste qu'en 1961, on est arrivé à la rupture et que, si vous voulez, la conséquence première et la plus importante de cette rupture, ça a été que 90% du commerce extérieur afghan descend vers l'océan Indien, vers la mer, et passe par territoire pakistanais, que ces routes ont été fermées et que ça a correspondu à un véritable boycott, si vous voulez, indirect, que les Afghans se sont infligés à eux-mêmes, ce qui les a rejetés d'autant plus dans les bras des Soviétiques, ce qui a diminué l'influence américaine qui s'exerce essentiellement dans le sud, et c'est pourquoi le roi, en quelque sorte, s'est séparé de Daoud. Il rétablissait le fragile équilibre entre l'Est et l'Ouest et il rouvrait la voie de pénétration jusqu'à l'océan Indien qui permet l'écoulement des marchandises. Alors aujourd'hui, Daoud prend sa revanche. On peut dire que Daoud prend sa revanche. En effet, en tout cas, en proclamant la République, il opère une manière de fuite en avant. Il peut se rallier les jeunes cadres intellectuels remuants et mécontents du régime royal, et il a su sans doute exploiter les difficultés du règne de Zahir, c'est-à-dire un fort mécontentement estudiantin, et puis 3 années de terribles sécheresses qui ont valu au pays, dit-on, entre 30, 40, 50 ou même 80 000 morts, disent certains, en l'espace de 3 ans. En cette année 1973, on attendait bien sûr le téléphone du correspondant à Moscou à la suite du coup d'État en Afghanistan. Peu après, Henri Fogler livrait les premières réactions du Kremlin. Le coup d'État en Afghanistan, qui est considéré ici plutôt comme une révolution de palais, ne semble pas inquiéter outre mesure le Kremlin. Et le fait que l'agence est annoncé avec une extrême rapidité le coup d'État et informe sur l'évolution de la situation à Kaboul, laisse penser que Moscou n'entend pas bouder le nouveau régime afghan et pourrait même proposer ses services à l'ancien Premier ministre M. Sardar Daoud. L'URSS ne va pas en rester là. 6 ans plus tard, l'armée rouge marche sur Kaboul. Nous verrons cela demain. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mani. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rocha. Une émission de Jean Leclerc. Écoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.